Savoir se taire, c'est beaucoup savoir. Прослушайте текст и объясните, почему героиня отвергает ухаживание кавалера в конце вечера. Alexandre Robin visite un village du Pays Basque dans le sud de la France pour la fête du 15 août. L'après-midi, les hommes jouent à la pelote. Le soir, ils dansent le fandango. Ils portent une blouse et un pantalon blanc, le béret basque, des espadrilles et une large ceinture de couleur. Tout à coup, Alexandre voit une jolie jeune fille qui regarde les danseurs. Il s'approche d'elle et lui dit « Mademoiselle, permettez-moi de me présenter. Je m'appelle Alexandre Robin. Est-ce que je peux vous inviter à danser ? Parce qu'il est très beau et qu'il parle bien, elle accepte avec joie son invitation. Pendant la danse, Alexandre lui montre toute son éloquence et essaie de produire une bonne impression sur elle. Il ne cesse de parler de lui-même. Et en plus, il exagère en tout, en parlant de ses études inventées, de sa famille riche, seulement en enfants, et de ses belles amies qui n'existent que dans son imagination. La jeune fille, très intelligente, comprend tout de suite qu'il ne dit pas la vérité. Elle décide de ne pas lui dire qu'elle le croit menteur. À la fin de la fête, Alexandre lui demande s'il peut l'accompagner. « Non merci, dit-elle, mon chauffeur m'attend. »« Puis-je vous téléphoner ?»« Mais oui, monsieur. » »« Quel est votre numéro de téléphone ?»« Il se trouve dans l'annuaire, comme tous les numéros. »« Comment vous appelez-vous, mademoiselle ?»« Mon nom est dans l'annuaire aussi. » Et sur ces mots, elle s'en va.